savoir de mes pensées. Tu crois que l'amour peut me quitter. Tu ignores encore toute ma vie. Tu ne sais rien ce que je suis. Apprends ainsi à m'éviter pour ne pas trop t'imposer. Respecte aussi mes amis. Tu pourras m'avoir. Tous les soirs on pourra se voir. Mes conditions sont à respecter. Pour me garder pour l'éternité. Apprends ainsi à m'éviter. Pour ne pas trop t'imposer. Respecte aussi mes amis. N'en dis pas. Faire attention, ne pas trop nous mélanger, pour encore nous supporter. Il faut faire attention.